auriez-vous aimé avoir obéi à Allah et son messager alors qu'ils sont décédés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tient debout et les interpelle de la sorte. Puis il leur dit sallallahu alayhi wa sallam, fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Nous avons certes trouvé ce que notre Seigneur nous avait promis comme étant véridique. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Avez-vous trouvé ce que votre Seigneur vous avait promis comme étant véridique? Alors Omar ibn Khattab radiallahu anhu s'est étonné de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresser aux défunts, s'adresser aux Kuffar Quraysh, parmi ceux qui sont décédés, et particulièrement leur tête. Faqala radiallahu anhu, ya Rasulallah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha. Au messager d'Allah, mais tu t'adresses à des corps qui n'ont plus d'âme. Tu t'adresses à des corps qui n'ont plus d'âme. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, walladhi nafsi Muhammadin biyadi. Le prophète alayhi sallatu wa sallam a dit, par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, ma antum bi asma'a lima aqul minhum. Par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, vous n'entendez pas mieux que ce que je dis. Allah subhanahu wa ta'ala entendra ses morts les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa illa al-asl al-ma'ruf anna al-mawta la yasma'un. Si ce n'est que la base, ou bien en dehors de ça, la base connue, c'est qu'on ne peut faire entendre les morts comme Allah Azza wa Jalla nous l'enseigne dans le Coran. Thumma ba'da dhalik qadiyatu al-ghanaim. Ensuite il y a eu le butin. Wa qad ikhtalafa al-muslimun shay'an ma fi hadhihi al-mas'ala. Et les musulmans ont quelque peu divergé dans cette question en trois groupes. En trois groupes. Ceux qui ont amassé leurs biens ont dit, nous sommes plus en droit d'avoir le butin. Le deuxième groupe, ceux qui étaient à la poursuite de l'ennemi, ont dit, ce sont nous, ou bien nous sommes ceux qui les avons repoussés, donc nous sommes plus en droit au butin. Et un troisième groupe qui était ceux qui protégeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et étaient proches de lui. On dit, nous étions au service du prophète alayhi salatu wa sallam et madha étions ses gardes. Nous avons également le droit au butin. Donc il y a eu ces trois groupes. Ceux qui ont amassé les biens directement. Ceux qui les ont repoussés, donc les combattaient directement, et ceux qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé à ce sujet, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réparti par la suite équitablement 4 cinquièmes après avoir enlevé un cinquième comme c'est dans le Coran. Yas'alunaka 'anil anfal. Naam, au début de Suratu Al-Anfal. Qulil anfal lillahi wa lir rasul. Fattaqullaha waslihu dhata baynikum. Et en revenant au tafsir d'Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, il nous cite que la cause, la révélation de ce verset est madha, la fin de Ghazwat Badr, cette divergence entre eux et les croyants lors du hadith. Madha de Ubada ibn Samit radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également donné une part de l'ghanima à des gens qui n'avaient pas assisté à la bataille de Badr, mais il les avait chargés de rester à Medina pour des actions importantes et particulières. Et particulière. Minhum Uthman ibn Affan. Parmi eux, Uthman ibn Affan Al-Khalifa al-Rashid radiallahu an, parmi ceux qui ont obtenu une part du butin, bien qu'ils n'ont pas assisté à la bataille de Badr, il y a eu Uthman ibn Affan, le troisième calife de l'islam, l'époux de certaines filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il était surnommé. Comment est-ce qu'il était surnommé Uthman? Dhunurayn. Naam. L'homme de lumière. Pourquoi cela? Car il a épousé des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a épousé des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam avait laissé Uthman al-Madina? Et quelle tâche il lui avait confié? Indaman. Naam. Car son épouse Ruqayya bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam était gravement malade. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Uthman de rester, naam, yani kayumarridaha, afin de prendre soin de son épouse et de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au retour même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de la bataille de Badr qui a eu, yani qui s'est terminée à la fin de Ramadan, elle est décédée radiallahu anha. Naam, Ruqayya bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. ومن الأحداث أيضا قضية الأسارة. Parmi les événements qu'il y a eu à la fin de la bataille de Badr, le cas des prisonniers, le cas de ceux qui avaient été faits prisonniers. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في قضيتهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a consulté ses compagnons quant au ماذا, aux prisonniers. فأشار أبو بكر الصديق, فأشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأخذ الفدية منهم تقوية لشوكة المسلمين واقتصادهم وإضعافا للعدو. أبو بكر رضي الله عنه a lui orienté et penché vers le fait d'accepter une rançon. Le fait d'accepter une rançon, ce sont de leurs proches. Ils espèrent que dans le futur, ils embrasseront l'islam. Et il y a également un renforcement économique en leur faveur. Quant à Omar, radiallahu anhu, il n'a pas opté pour cet avis, mais le contraire, mais au contraire, il a orienté le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers leur exécution. فَمَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَى رَأْيَ بِبَكْرُ وَقَبُولَ الْفِدْيَةِ مِنْهُمْ. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a penché vers l'avis de Abu Bakr. Il a accepté de la rançon. Il a accepté de la rançon. فأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريد عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الآيات. الله سبحانه وتعالى révélé ces versets qui penchaient plus vers la vie de Omar. Et il fut dit que par la suite Omar radiallahu anhu est arrivé, il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses côtés Abu Bakr qui était en train de pleurer. Et il leur a dit, ma yubkikuma, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Si je trouve une cause, alors je pleurerai avec vous. Naam. Puis ils l'ont informé de ce qu'Allah Azza wa Jal avait révélé, naam, qui donnait raison à la vie de Omar radiallahu an, plus la vie d'Abu Bakr radiallahu anhum ajma'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixé des rançons relatives ou bien proportionnelles aux richesses de chacun. aux richesses de chacun. Et il a élevé la rançon de ses proches. Comme qui ? Qu'il y avait parmi ses proches qui avaient été contraints de sortir avec Kuffar Quraysh, bien qu'il ne voulait pas participer à cette bataille, mais il a été forcé. Men. Plusieurs. Al-Abbas, par exemple. Al-Abbas était dans le rang de Kuffar Quraysh, dans Ghazwat Badr, et il a été fait prisonnier. Naam. Il ne voulait pas participer à la bataille. C'était avant sa conversion. Mais il a été forcé de sortir. Naam. Il a été forcé de sortir. Parmi ses proches, il y avait l'Aqim aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé leur rançon. Naam. Il ne leur a pas donné de préférence parce qu'ils étaient de ses proches. Au contraire, il a élevé leur rançon au point où Al-Abbas lui dit, tu fais cela alors que nous sommes de, yani, parmi tes proches. Tu fais cela alors que nous sommes parmi tes proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc accepté al-fidya, la rançon de leur part. Parmi eux, certains n'avaient pas de moyens. Parmi eux, certains ne possédaient rien. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixé les concernant le fait qu'ils allaient devoir enseigner aux enfants des Ansar al-kitab, l'écriture, ou bien la lecture et l'écriture. Celui qui enseignerait aux enfants des Ansar la lecture et l'écriture se verra par la suite libéré. Naam, se verra par la suite libéré. Et dans un hadith, un de ses enfants est revenu un jour à son père en pleurant. Alors son père lui a demandé, que se passe-t-il ? Il lui a dit, c'est l'enseignant qui m'a frappé. C'est l'enseignant qui m'a frappé. Alors, le père, parmi l'Ansar, radiallahu anhu, a dit al-Khabith, il l'a insulté et il a dit, il fait cela pour se venger de la bataille de Badr. Il fait cela pour se venger de la bataille de Badr. Ainsi, il a frappé cet enfant, naam, c'est par rancœur envers sa défaite lors de la bataille de Badr. Tu n'y retourneras plus jamais. Naam, tu n'y retourneras plus jamais. Et il l'a enlevé de son assise. Donc certains ont donné une grosse rançon, une grande rançon, d'autres plus petites, et d'autres ne possédaient pas cela, alors ils ont enseigné à certains parmi les enfants des Ansar et l'écriture. Parmi ceux qui ont été faits prisonniers, il y a eu Abu al-As ibn Rabi'. Qui est Abu al-As ibn Rabi'? Kana zawja زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت حين ذاك وحينئذ بمكة نعم فلما علمت بأن زوجها قد أسير أرسلت بقلادة لها نعم فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق قلبه جدا لماذا دونك. Parmi ceux qui ont été faits prisonniers, il y avait Abu al-As. Abu al-As ibn Rabi'a. Qui est-il ? C'était l'époux de Zaynab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui à l'époque était encore à Mecca. Naam. Il avait participé lui à la bataille de Badr et il avait été fait prisonnier. Lorsque Zaynab radiallahu anha a eu connaissance de cela, elle a tenté d'envoyer ce qui ferait office de rançon. Qu'est-ce qu'elle a envoyé? Elle a envoyé un collier. Naam, des bijoux. Un collier. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce collier, il a énormément été touché. Naam, il a énormément été touché. Pourquoi? Parce que c'était le collier de Khadija radiallahu anha. Et lorsqu'il a reconnu le collier de Khadija, raqqalaha jiddan, ça l'a énormément affecté. Ça l'a énormément touché. Alors il a dit à ceux qui l'avaient fait prisonnier, si vous voulez l'affranchir comme ça et lui rendre son collier, c'est-à-dire à Zainab, vous pouvez le faire. Sans leur ordonner. Na'am. Ils ont dit Na'am, Naf'al, Ya Rasulallah. Ils ont dit oui, on opte pour cela, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Wa min al-ajab. Et parmi les choses étonnantes, qu'un bien de Khadija, elle s'était fait après des années sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. Un bien que possède Khadija, na'am, a eu cet effet sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam après tout ce temps-là, après tous ces événements, après la hijra, après le décès de certains parmi les sahaba, na'am. Et le prophète alayhi wa sallam, à la simple vue de ce bijou, na'am, il se retrouve dans cet état. Na'am. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, fadhfar bidhat ad-din. Khadija radiallahu anha, l'élite de ces femmes-là. Na'am. La femme qui a complété sa religiosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que peu parmi elles ont complété cela. Amada, yani on atteint une certaine perfection relative. Et parmi Khadija radiallahu anha, celle de qui le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais entendu une seule parole qui lui ait déplu. Allahu Akbar. Celle de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu tous ses enfants. Celle qui a secouru le prophète alayhi salatu wassalam depuis le premier jour. Celle qui a secouru le prophète alayhi salatu wassalam avant l'ensemble des hommes parmi les sahaba. Celle qui a dépensé et honoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam de par sa personne, de par sa famille et de par ses biens, sans compter son noble caractère et sa grande piété. Faradiyallahu an Khadija binti Khuwaylid, celle qui a reçu le salam de la part de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Lorsque Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, voici Khadija, transmets-lui le salam de la part de son Seigneur et de Jibril. Allahu Akbar. Transmets-lui le salam de la part de son Seigneur et de la part de Jibril. Hadihi qudwatun linnisa ballir rijal, ballil umma. Khadija, c'est un exemple pour les femmes de la communauté et même pour les hommes. Radiallahu عنها. وكان المسلمون محسنين إلى الأسار. Et les musulmans étaient bienfaisants envers ceux qui avaient été faits prisonniers. Un point tel que beaucoup parmi eux, na'am, plus tard, avant même l'ouverture de Mecca, ont embrassé l'islam. Plusieurs parmi eux ont embrassé l'islam. Lorsque l'un d'entre eux avait à manger, il conviait, na'am, le prisonnier à venir manger. Ça n'était pas une chose connue. Na'am, ils étaient bienfaisants envers eux, alors que c'était en temps de guerre. Comme Suhayl ibn Amr, na'am, quand il a vu ce comportement des musulmans, et plus tard, il a embrassé l'islam. Comme Al-Abbas, radiallahu anhu, qui est aussi plus tard embrassé l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixé la rançon de l'Abbas à 100 ouqir et de l'Aqil à 80. Alors que pour beaucoup d'entre eux c'était 40, plus ou moins. Mais pour ses proches, il l'a élevé ainsi. Le contraire de ce à quoi on aurait pu s'attendre, particulièrement de commandant. فكان غزوة بدر لها المكانة العظيمة في تاريخ الإسلام بل في التاريخ وفي قلوب الناس. La bataille de Badr a donc eu une grande place et une grande valeur dans l'histoire de manière générale et tout particulièrement dans le cœur des sahaba. Et Jibril alayhi salam a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la place des sahaba ayant participé à la bataille de Badr parmi vous. Jibril demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle considération avez-vous pour ceux qui ont participé à la bataille de Badr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ce sont les meilleurs. Et Jibril lui a répondu, chez nous c'est la même chose. C'est-à-dire que chez le malaïka, les al-malaïka, les anges qui ont participé à la bataille de Badr, font partie des meilleurs parmi les anges. Tout comme les sahaba ayant participé à la bataille de Badr, font partie des meilleurs parmi les sahaba. Et il y a plein de hadith sur le mérite de ce qu'on appelle al-badriyoun, c'est-à-dire ceux ayant participé à la bataille de Badr. Allah Azza wa Jalla a immensifié ce jour en l'appelant Yom al-Furqan. Naam, le jour du discernement. Fasara ahlul Badr mumayizi. Naam, les gens de la bataille de Badr ont eu un rang particulier. Ont eu un rang particulier. Et ils étaient par la suite les gens de l'assise de Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu lors de son calife. Naam, Ahlul Badr, c'était les grands parmi les sahaba, ceux qui avaient une grande place. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, bawaba fi sahihi, ou fi jami'ihi, ma'adha baban fi fadlihim. Et l'imam al-Bukhari a intitulé un de ses chapitres, a mis un de ses chapitres dans le jami' sahih, qui traite de leur mérite. Parmi leur mérite, le fait que Allah subhanahu, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait annoncé la bonne nouvelle qu'Allah azza wa jal leur a pardonné. Naam, leur a pardonné. Et qu'ils ont une place au paradis. Naam, de cela, les savants ont tiré que les gens de la bataille de Badr sont des gens qui au moment de leur décès décéderont sur l'islam. Non pas qu'ils sont infaillibles et qu'ils ne commettront pas de péché. Naam, non, c'est pas ça le sens. Mais dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne de par ce qu'ils ont avancé dans ce bas monde. De par ce qu'ils ont fait dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonnera. Et dans la qissa, dans l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a, on voit cela clairement. Hatib radiallahu anhu, c'est un des sahaba qui a participé à la bataille de Badr. Si ce n'est qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien que plus tard le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a fait des plans. Et Hatib a dévoilé cela, ou a tenté de dévoiler cela aux gens de la Mecque. Il a écrit des choses que voulait faire le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dévoilé, naam, des plans du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux gens de Quraysh, en envoyant une dame qui se rendait à Mecca, il lui a donné cette lettre. Ce n'est qu'Allah azza wa jal a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam cela. Il a donc envoyé certains parmi les sahaba, Ali ibn Abi Talib, si mes souvenirs sont bons, le Miqdad. Ils ont attrapé cette femme et ils lui ont dit, remets-nous la lettre. Elle a dit, quelle lettre? Ils lui ont dit, remets-nous la lettre. Elle a dit, je n'ai pas de lettre. Ils lui ont dit, soit tu nous donnes la lettre, soit on va te déshabiller jusqu'à trouver cette lettre. Alors elle a sorti la lettre. Naam, alors elle a sorti la lettre. Wa sadaqa Allah subhanahu wa ta'ala, sadaqa rasuluh alayhi salatu wassalam. Innahu al-khabir al-latif al-khabir. Allah subhanahu wa ta'ala est le savant parfaitement informé. Naam, lorsqu'il informa le prophète alayhi salatu wassalam de cela, le prophète alayhi salam y a cru. Et lorsqu'il envoie les sahaba y ont cru. Naam. Et sur cette lettre, que avait-il décrit? Naam, comme on le verra, de la part de Hatib aux gens de la Mecque, et il a cité certaines choses que voulait faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète alayhi salatu wa sallam l'a convoqué pour entendre de lui. Naam. Alors qu'il a dans sa main la chose. Mais ça faisait partie de la perfection du comportement du prophète alayhi salatu wassalam avant les jugements. Naam, yani de détailler, de questionner ou d'entendre de la personne. Et il y avait à ses côtés Omar et d'autres parmi les sahabes. Alors Omar ibn Khattab a dit, ya Rasulallah, da'ani adrib unuqa hadha al-munafiq. Naam, Omar ibn Khattab a dit au messager d'Allah, laisse-moi m'en prendre au cou de cet hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, laisse-le au Omar. Et il a écouté de Hatib qui a dit, Wallahi, ya Rasulallah, je jure par Allah, au messager d'Allah, que je n'ai pas fait cela par aversion envers l'islam après avoir eu l'iman. Mais chacun de vous avait une main à Mecca. Et moi, je ne suis pas de Mecca à la base, alors j'ai voulu par la suite avoir une protection à Mecca pour mes biens et pour ma famille. Naam, il a fait ça pour la dunya, il n'a pas fait ça pour être digne. Naam, il n'a pas fait ça pour être digne, il a fait ça pour être dunya. Et entre ça et ça, il y a une grande différence. Naam, parce que ça, ça entache la base de l'islam. Naam, et ça, ça n'entache pas la base de son digne. Yabqa musliman, comme Allah Azza wa Jal nadahum bismil iman. Tayyib. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa huwa shahiduna min al-qissa. Da'hu ya Omar, laisse-le au Omar, la'allallaha ittala ala ahli al-Badr, faqala a'malu ma shi'tum qad ghafartu lahum, alakum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laisse-le au Omar, très certainement, Allah a regardé les gens de la bataille de Badr et a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Naam, je vous ai pardonné. Et dans l'autre hadith, wajabat lakum al-jannah. Le paradis vous revient de droit. Ça, c'était la place des gens de la bataille de Badr au temps du prophète alayhi salat wa salam et par la suite, inda tabi'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, ou bien c'était une sunna connue, qu'après une bataille, on restait sur place 3 jours, puis on rentrait. Donc à la suite de cela, il rentra à Al-Madina. Il est rentré à Médine sallallahu alayhi wa sallam et se sont grandement réjouis Al-Ansar et ceux qui étaient restés à Al-Madina. Au point certains parmi les sahaba disaient non. Yani, lorsqu'on les a informés que certains parmi les grands de Quraysh arrivaient en tant que prisonniers, certains ont dit, tant que je n'ai pas vu cela, yani, je veux voir ça de mes propres yeux. Je veux voir cela de mes propres yeux. Parce que c'était une chose qui auparavant était inimaginable. Qui était inimaginable. Ils sont donc rentrés à Al-Madina. Allah Azza wa Jal les a élevés. Et là, par la suite, la bataille de Badr, ou bien les événements relatifs à la bataille de Badr se sont interrompus. Après la bataille de Badr, les savants ont pour habitude de citer les événements qui se sont passés entre la bataille de Badr et la bataille de Uhud. Naam, qui sont deux des batailles mères, deux des plus grandes batailles. Plusieurs choses qui sont citées n'ont pas de base, c'est-à-dire dans la chaîne de transmission. Parmi ces histoires, l'histoire de Asma bint Marwan, une femme qui nuisait énormément au prophète alayhi salatu wassalam, de par ses mots et de par ce qu'elle faisait pour monter les gens contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une sariya à son encontre. Asma bint Marwan. La seconde chose citée est Ghazwat Bani Sulaym. Waqafan bil Qudr. Al Qudr, c'est un de leurs coins d'eau. Et Mada, sur cela aussi, il y a des paroles quant à la chaîne de transmission. La troisième chose qui est mentionnée, c'est Mu'amaratul Irtiyal. Naam, tijaha Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la tentative d'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la bataille de Badr, certains parmi les gens de Quraysh se sont mis à discuter, à se rappeler leurs prisonniers parmi les gens de la bataille de Badr, ceux qui sont décédés parmi leurs proches de la bataille de Badr, et ils ont commencé à discuter et à se monter les uns les autres contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Umayr ibn Wahb s'est souvenu que son fils faisait partie des prisonniers. Et Safwan ibn Umayya, son fils et son frère, sont décédés dans la bataille de Badr. Alors les deux discutaient. Lui se rappelait son fils, l'autre se rappelait son père, et son frère. Le premier se rappelait son fils, qui était prisonnier. Le deuxième, son père, et son frère. Tous deux tombés lors de la bataille de Badr. Donc, Omar ibn Wahb a dit en secret à Safwan ibn Umayya que s'il n'avait pas des dettes et s'il n'avait pas une famille de laquelle il devait s'occuper, il partira à Médina pour en finir avec Mohammed et venger ses proches. Donc Omar ibn Wahb a dit cela à Safwan. Et il craignait qu'en partant, sa famille et Ani soient sans ressources et ainsi de suite. Alors Safwan a saisi cette occasion pour lui transmettre son venin. Et il lui a dit, je prends l'engagement que si tu remplis cette mission, alors je te suffirai dans ta famille. Et quant à tes dettes, elles me reviendront à moi. Donc je m'occupe de tes dettes et je m'occupe de ta famille jusqu'à ce que tu remplisses cette mission. Si, yani dans, à condition qu'il assassine Mohammed, alors ils se sont, yani, ils ont fait ce pacte, shaytani, et se sont gardés d'en informer les gens. Et Umayr ibn Wahb est donc parti à Al-Madinah. Et lorsqu'il est arrivé à Al-Madinah, Umar ibn Khattab radiallahu anhu l'a vu. Et il a ressenti en lui un mal. Alors il l'a attrapé et il l'a conduit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont discuté. Et il fut dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce qui t'emmène à Médine? Et que Omer a dit, je suis venu pour telle et telle chose. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, usduq lil qawl, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui t'emmène à Médine? Alors il a dit, je suis venu pour telle et telle chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis-moi la vérité. Et il ne voulait pas parler. Alors il lui a dit, est-ce que tu ne t'es pas assis avec Safwan ibn Umayya? Et il t'a dit telle chose et tu lui as dit telle chose. Et il t'a dit telle chose et tu lui as dit telle chose. Quand il a entendu ça de la parole, de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils n'étaient que deux, lui et Safwan. Et ils n'ont pas informé les gens de Mecca, à plus forte raison les gens de Médine. Donc si Mohammed est au courant de cela, c'est que c'est effectivement le message d'Allah et ça l'a poussé à quoi? À entrer en Islam. Naam, alors qu'il était venu pour faire quoi? Pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça a été la cause, il fut dit que ça a été la cause de sa conversion. Et il a demandé à ce qu'on lui enseigne le din. Il a demandé la science. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chargé certains parmi les sahaba de lui enseigner Naam et de le libérer. Il lui a permis de revenir à Mecca afin qu'il appelle les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça a été la cause d'un de la conversion de beaucoup de personnes. Les savants ont divergé quant à l'authenticité de cette qissa, parce que c'est venu de riwaya mursala, c'est venu de Mada, yani le hadith il est mursal. Donc certains parmi les savants ont dit que la qissa n'était pas authentique. Parmi les événements qu'il y a eu entre Badr et Uhud, Sariyatu Salim ibn Umayr, l'envoi de Salim ibn Umayr radiallahu anhu, pour Abi Afak, qui était une des têtes des hypocrites, qui nuisait au prophète alayhi salatu wassalam après avoir atteint un âge très avancé. Et pareillement, Mahda, pour cette qissa, il y a du kalam sur la chaîne de transmission. Le cinquième événement que les savants citent, c'est Ghazwatu Bani Qaynuqa'. Non, mais ça c'est authentique et c'est venu dans les ahadith sahiha. Et Banu Qaynuqa' est une des trois tribus d'Ahlul Kitab qui est Al-Madina. Non. Et la ghazwa du prophète alayhi salatu wassalam de Banu Qaynuqa' a des causes qui ont été citées par les gens de science, même si en apparence il n'y a pas d'authenticité dans cela. La première cause qui est citée est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de la bataille de Badr, il est parti dans un marché qui était connu sous l'appellation de leur marché souk, Banu Qaynuqa' ou Bani Qaynuqa'. Et il les a invités à l'islam et il les a avertis afin qu'ils ne soient pas touchés par ce qui a touché Kuffar Quraysh à la bataille de Badr. Non. Mais ils ont répondu hautainement en disant: Ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraysh kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Ils lui ont dit: Ô Muhammad, ne sois pas trompé par le fait que tu as mis en déroute Quraysh. Naam, c'est des petits, ils sont mada, ils n'ont pas d'expérience. Naam, ils n'ont pas d'expérience et ils n'ont pas de connaissances. Mais si tu tombes sur nous, tu auras affaire à des gens que tu n'as jamais connus. C'est-à-dire que nous, on est forts et nous, on a expérience dans le combat et ainsi de suite. Et si tu t'en prends à nous, tu vas trouver une réponse bien différente de la réponse de Quraysh. Ça, c'est la première cause qui a été citée. La deuxième cause est qu'ils ont nui à une femme musulmane. Ils ont nui à une femme musulmane. Ils ont, lorsqu'elle est arrivée au marché, ils ont essayé de lui nuire. Non, elle n'a pas prêté attention à eux. Puis, l'un d'entre eux a accroché son vêtement au sol. De derrière, il a pris de son vêtement alors qu'elle ne le voyait pas et il l'a accroché au sol. Pourquoi cela? Quand elle va se lever, ça va déchirer son vêtement. Wal'iyadu billah. Na'am, wal'iyadu billah. Quand comme ça, lorsqu'elle se lèvera, ça déchirera son vêtement. Alors, lorsqu'elle s'est levée, ça a déchiré son vêtement et sa aura de sa nudité est apparue. Alors elle a crié au secours, elle a appelé à l'aide. Na'am, devant cette grande injustice qui lui avait été infligée. Lorsqu'un musulman a vu cela, il est venu, il a attaqué, il l'a défendu. Lorsque eux ont vu cela, ils se sont réunis aussi pour venger celui qui avait été attaqué et ils l'ont tué. Na'am. Alors, Mahda, les musulmans se sont réunis et il y a eu cette ghazwa. Il y a eu cette ghazwa. Concernant ces deux causes, la première, Mahda, certains savants ont dit qu'elle était acceptable et la deuxième était daif. Et certains ont dit que les deux étaient daif. Et parmi les fawa'id, c'est qu'Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, celui qui a fait le meilleur sharh de Sahih al-Bukhari, ce grand savant, malgré les fautes dans lesquelles il est tombé concernant Sifatullah subhanahu wa ta'ala et d'autres, na'am, rahimahullah ta'ala, malgré sa grande science dans le hadith, il a, dans un endroit, qualifier une personne de cette chaîne de transmission, na'am, comme étant une personne qu'on ne connaissait pas. Donc on n'accepte pas ce hadith. On n'accepte pas son hadith. Et dans un autre endroit, il a accepté le hadith. Na'am, il a accepté ce hadith. Pourquoi, yani, on se rappelle ça? Pour que tu saches que la perfection n'est qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. La perfection n'est qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu me dis aujourd'hui, un tel, on ne le connaît pas. Et demain, tu acceptes sa parole. Yani, il a oublié, probablement. Na'am, il a oublié. Fal kamal lillahi subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni les croyants et s'est dirigé chez Banu Qaynuqa. Qu'est-ce qu'ils ont fait à leur habitude? Ils sont partis dans leur forteresse, dans leur demeure. Na'am. Et il leur a fait le hisar. Comment est-ce qu'on dit le hisar en français déjà? Un blocus. Il les a assiégés. Na'am. Il les a assiégés. Et quelques jours après, ils se sont rendus. Puis, la tête des hypocrites, qui est la tête des hypocrites? Ra'sul Nifaq. Abdullah ibn Ubay ibn Saloum. Et Abdullah ibn Ubay ibn Saloum. Lui, c'est la tête des hypocrites. Et son fils, un des meilleurs parmi les sahaba, radiallahu anhu. Fa subhana man yukhrijul hayya min al mayyit. فَسُبْحَانَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ Subhanallah. Le père, رَأْسُ النِّفَاق. Le père est la tête des hypocrites. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et le fils, na'am, Abdullah également, مِنْ خِيرَةِ عِبَادِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Un des meilleurs parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un point qu'il nous est rapporté qu'il faisait partie des plus pieux envers ses parents. Dans Birul Walidayn, il excellait. Na'am. Mais il ne transgressait jamais les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala pour autant. Et lorsque Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la tête des hypocrites, a dit La irraja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azu minha al-adhal, comme dans Sourate Al-Munafiqin. Na'am. Lorsqu'on va rentrer à Al-Madina, vous allez voir quand le puissant va faire sortir le vil. En chemin, Abdullah, le fils, a attrapé les rênes du père et l'a empêché de rentrer à Médine. Son père, parce qu'il avait prononcé cette parole. Alors que c'était un des plus pieux envers son père. Puis il lui a dit, Wallahi, par Allah, tu ne poseras pas un pied à Médine tant que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne te l'aura pas permis. Et que tu saches ce qu'il a'az et ce qu'il a'zal. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, quand il a dit l'a'az, il parlait de lui et de son clan. Et quand il parlait de l'a'zal, il parlait du prophète sallam et sahab. Son fils lui a montré que sa parole était véridique, mais qu'il allait lui montrer ce qu'il a'az et ce qu'il a'zal. Na'am. Et ça, c'est amada, ceux qui ont kamal ou tawhid. Ceux qui ont kamal et tawhid. Na'am. Dans le hubbu fillahi subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, à la suite de cela, est venu intercéder en leur faveur, en faveur de Banu Qaynuqa'a. Na'am. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être clément envers eux. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être clément envers eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés, mais il les a fait tous sortir de Al-Madina. Ils étaient environ 600. Il les a tous fait sortir de Al-Madina. Et ils se sont dirigés vers Al-Sham. Et ils se sont dirigés vers Al-Sham, as-salah Allah. Non. Est-ce combien de temps avant l'Aïcha? 20 minutes. Oui. On s'arrête sur cela pour Assira. Il reste quelques événements avant la bataille de Uhud. On reprendra la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Et la semaine prochaine, je ne ferai pas la khutbah, mais il y aura Tals après Al-Maghrib, Inch'Allah Ta'ala. On aqra kalaman al-Ibn al-Qayyim, rahimahullah Ta'ala, min kitabihi al-Qayyim. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المعروف بالداء والدواء. سيتان دينو passons à la lecture du livre d'Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى qui s'intitule La réponse suffisante à celui qui questionne au sujet du remède guérissant, qui est connu sous le nom de la maladie et son remède. La maladie et son remède. C'est un livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala que les savants recommandent beaucoup de lire. C'est un homme qui était éprouvé par des péchés. Certains disent que c'était l'ishq, c'était l'amour passionnel d'une femme dans le haram. Et il dit qu'il déteste cela, il se repent, mais il retombe dans le péché. Et il revient, il se repent, il fait toutes les causes, mais il retombe dans le péché. Alors il vient voir le savant et il lui demande le remède. Quel est le remède pour sortir de ce mal, de cette tourmente, qui est son malheur, et il n'arrive pas à s'en passer, il retombe dedans. Et il voit les effets et sa destruction totale. Donc il pose la question à Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qui lui répond avec ce livre. Et souvent lorsque la question est bénie et l'intention est pure, il y a beaucoup de baraka dans la question, subhanallah. Beaucoup de livres d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, par exemple, c'est une question à la base. C'est une question à la base, comme l'aqidat al-wastiyya. Et beaucoup d'autres de ces livres. Donc, la personne dit ma taqulu sadatul ulama'i, immatul din, radiallahu anhum ajma'in, fi rajulin tulia bibaliyya. وعلم أنها إن استمرت بي أفسدت علي الدنيا وآخرتها. Quelle est la question? Donc Ibn Qayyim رحمه الله تعالى a été questionné. Muhammad ibn Abi Bakr, al-Ma'ruf ibn Qayyim al-Jawziyya. Que dit l'élite des savants et les imams de la religion, qu'Allah soit satisfait d'eux, d'un homme qui a été éprouvé par une tentation et il sait pertinemment que s'il continue dans ce chemin, elle le détruira. Elle détruira son bas-monde et son au-delà. Ça, c'est le pécheur qui vient, il se voit dans cet état-là. Naam. وَقَدْ اِجْتَهَدَ فِي دَفْعِهَا عَنْ نَفْسِي بِكُلِّ طَرِيقٍ. Et il dit, il a tout fait pour repousser ce mal et il a emprunté tous les sentiers pour y arriver. فَمَا يَزْدَادُ إِلَّا تَوْقُوا أَوْ تَوَقُدًا وَشِدَّةً. Il dit, ça n'a fait qu'at, et c'est comme si ça ne faisait qu'attiser ce mal et le renforcer. فَمَا الْحِيلَةُ فِي دَفْعِهَا. Alors il lui demande comment faire pour pouvoir s'en séparer de ce mal. وَمَا الطَّرِيقُ إِلَى كَشْفِهَا. Et quel est le chemin pour pouvoir dévoiler ce mal? فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ مُبْتَلًا. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui aidera celui qui est éprouvé. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. Et Allah aide son serviteur tant que celui aide son frère. أفتونا مأجورين رحمكم الله تعالى. فأجاب الشيخ العلامة الحافظ أبو عبد الله بن أبي بكر ابن أيوب Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a répondu li kulli da'in dawa. Chaque maladie a son remède. Et ça, c'est la réponse du Alim Rabbani. C'est que lorsque la personne vient avec un mal, lorsque la personne vient avec un problème, elle ne lui dit pas des paroles qui amènent au désespoir. Mais bien au contraire, elle rattache son qalb à Allah subhanahu wa ta'ala directement. Et elle le détache des causes apparentes de la dunya. Et lui fait comprendre que l'ordre tout entier est chez Allah azza wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui décrète, c'est lui qui décide. Et tout ce qu'il fait, c'est avec sagesse et science. Toute ton affaire que tu vois telle une montagne sur ton dos, faut revenir à Allah azza wa ta'ala. Et pour Allah azza wa ta'ala, cette affaire, c'est rien. Et il t'a éprouvé avec science et sagesse. Et s'il veut, il t'enlève ce problème-là. Ça, c'est la réponse du Alim. Rattacher le cœur du serviteur à Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui vit de la sorte, tout ce qu'il touche dans sa vie, c'est pas un problème. Tout ce qui le touche dans sa vie, c'est pas un problème. Il est appauvri, il sait que l'argent, c'est Allah lui a repris. Il dit Alhamdulillah. Il perd un enfant, c'est Allah qui lui a donné. Il dit Alhamdulillah. Il est éprouvé dans sa santé, il est alité, il ne peut plus marcher. Il dit Alhamdulillah, j'ai mon dîn. Chaque jour, je fais salat comme l'autre, il fait salat. Pourquoi ? À partir du moment où il a rattaché son qalb à Allah Azza wa Jal, tout ce qui se passe dans sa vie, c'est un khayr. C'est muhim jiddan de le comprendre. Amma, celui qui rattache son qalb à une créature, sa vie sera en fonction des agissements de cette créature. Sa vie sera en fonction des agissements de cette créature. In khayra fa khayr, wa in sharra fa shar. Par contre, celui qui rattache son qalb à Allah Azza wa Jal, chaque jour qu'il vit, c'est un jour en plus dans le khayr. Quelle que soit sa situation, parce qu'il n'a pas attaché son qalb à ce bas monde, il a attaché son qalb à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, amma ba'd. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. En outre, faqad thabata fi sahih al-Bukhari min hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ma anzala Allah da'an illa anzala lahu shifaa. L'imam al-Bukhari rapporte sur Abu Hurayra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah n'a pas fait descendre une maladie sans avoir fait descendre avec son remède. Dans une autre version, l'a connu. Celui qui l'a connu, il l'a ignoré. Celui qui l'a ignoré. Dans Sahih Muslim, selon Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, li kulli da'in dawa. Fa'ida usiba dawa udda. Bari abi idhnillah. Il y a un mot qui est effacé, probablement que c'est cela. Chaque maladie a son remède. Et lorsque le remède touche la maladie, la personne s'envoie graciée par la permission d'Allah. Et dans le Musnad de l'Imam Ahmed, notre hadith de Osama bin Sharik, إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجاهله من جاهله. Allah n'a pas fait descendre une maladie sans avoir fait descendre avec son remède. On a eu connaissance celui qui en a eu connaissance, il a ignoré celui et il a ignoré celui qui l'a ignoré. Et dans un autre texte, إلا الهرم. Sauf la mort. Sauf la mort. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala donc dit la première chose à retenir, c'est quoi? Chaque maladie a son remède. T'es éprouvé par ça, ça, ça, t'as tel problème. Chaque maladie a son remède. Mais certains en ont connaissance, d'autres n'en ont pas connaissance. Donc tu reviens à qui? Tu reviens à ceux qui savent. Tu reviens à ceux qui savent. Deuxième information. Wa hadha ummu adwa al-qalb. Donc, Ibn Qayyim nous dit, ce qu'on vient de citer là, dans les hadiths, ça englobe les remèdes du cœur, de l'âme et du corps. Certains pourraient se dire, c'est que pour le corps, les maladies, le rhume, ça. Non. Toutes les maladies. L'âme. Et ça, c'est un rempart entre le musulman et le désespoir de la miséricorde d'Allah. Ça, c'est un rempart entre le musulman et le désespoir devant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad ja'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-jahla da' wa ja'ala dawa'ahu su'al al-ulama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que l'ignorance est la maladie. Et que son remède questionnait les gens de science, les savants. فروى أبو داود في سنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسي ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قاتلوه قاتلهم ألا سألوا إذ لم يعلم إنما شفى العين السؤال وإنما كان يكفي أن يتيمم Les compagnons nous rapportent lors d'un voyage que l'un d'entre eux a été touché à la tête par une pierre qui l'a blessé. Et en dormant, il s'est réveillé en état de jenab. Donc il devait faire El Rousseau. Il a donc questionné ceux qui étaient là parmi les sahabes. Ma situation est que j'ai cette blessure, mais je dois faire le rosu. Est-ce que j'ai une excuse pour ne pas faire le rosu? Ils lui ont dit non, vu qu'il y a de l'eau, t'es obligé de faire le rosu. Il a fait le rosu, il est décédé. Quand ils sont revenus, ils ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ils l'ont tué, qu'Allah l'ait tué. Et ça, c'est une dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une rahma dedans. Ce genre d'expression, il y a une rahma dedans. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas questionné vu qu'ils ne savaient pas? Pourquoi ils n'ont pas demandé vu qu'ils ne savaient pas? Car certes, le remède, l'ignorance, c'est la question. Il lui suffisait de faire at-tayammum. Il lui suffisait de faire at-tayammum. Il lave tout ce qu'il peut laver. Et concernant l'endroit de la blessure, il se soigne, il fait juste tayammum. Il fait juste tayammum. Celui qui a une blessure, par exemple au bras ici, comment est-ce qu'il va faire El Wodo et comment est-ce qu'il va faire El Rousse? On lui dit, il ne doit pas toucher cet endroit avec de l'eau. Comment est-ce qu'il fait? Si c'est El Wodo, il commence El Wodo, arrive à cet endroit-là, il s'essuie les mains, il fait tayammum. Et il continue El Wodo en sautant l'endroit qu'il ne peut pas toucher de l'eau. C'est compris? Yani, il a un endroit parmi les parties à laver obligatoirement dans le Wodo. Il ne peut pas le toucher avec l'eau. Comment est-ce qu'il va faire? Il fait El Wodo, arrive à cette partie, donc il fait El Wodo et il prend à côté de lui de quoi faire tayammum, par exemple de la terre ou du sable ou autre. Il fait le wudu, arrive à cet endroit-là, il s'arrête, il fait tayammum. Il tape cette chose-là. Il essuie son visage et il essuie sa main droite et sa main gauche. Ainsi, il fait tayammum. Puis il poursuit le wudu. Puis il poursuit el wudu. Ça, c'est une des façons de faire. Donc, qu'est-ce qu'on a tiré jusqu'à présent? Chaque maladie a son remède. Deuxièmement, c'est auprès des savants qu'il se trouve. Troisièmement, ce n'est pas un remède que pour les maladies, communément appelées maladies, mais même pour les maladies de l'âme, les maladies du cœur et autres. Puis l'auteur nous dit, El Qur'an ou Shifa, les chapitres, les appellations des chapitres, ne sont pas forcément de l'auteur. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء. Puis il nous cite le meilleur remède, le Coran al-Karim. Allah, exempté soit-il de tout défaut, nous a informé que le Coran est une guérison. فقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Dit, c'est pour ceux qui ont cru une guidée et une guérison. Dans Surat Fussilat, verset 44, le Coran, c'est une guérison, tout comme c'est une guidée pour les croyants. Dans un autre verset, dans Surat Al-Isra 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et on révèle du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Quand on dit du Coran, c'est pas une partie du Coran, c'est une guérison, l'autre partie du Coran, c'est pas une guérison. Non, le Coran tout entier est une guérison. C'est pour cela qu'il dit « Wa min huna li bayan jins » La yitab'id. « Fana al-Qur'an kullahu shifa » Kama qala fil ayat al-mutaqaddima. « Fahuwa shifan il-qulu min da'il jahri wa shakki wa raib » Tout le Coran. Le Coran tout entier, c'est une guérison. C'est une guérison pour les cœurs. Pour leur maladie. Pour la maladie de l'ignorance, du doute. « Falam » ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع من ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. Ibn Qayyim dit c'est la meilleure guérison. Et qu'Allah Azza wa Jal n'a pas révélé, n'a pas fait descendre du ciel une guérison plus générale, plus profitable, plus immense et plus qui soigne mieux et qui repousse mieux la maladie. Que le Coran. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد. Puis il nous cite le hadith connu de Abu Sa'id lorsque les compagnons sont partis en voyage et qu'ils sont arrivés dans un endroit, ils ont demandé l'hospitalité, on l'a refusé. Puis leur chef s'est fait à une piqûre de scorpion ou autre. Ils ont cherché tout remède, ils n'ont pas trouvé. Puis ils sont venus voir Sahaba, est-ce que vous avez un remède? Ils ont dit oui. Mais on vous a demandé l'hospitalité, vous avez refusé. Donc je vous donnerai ce remède à condition que vous nous donniez telle et telle partie de bestiaux. Ils ont accepté et venu, il lui a resté le Fatiha. Il lui a resté juste le Fatiha. Leur chef s'est relevé comme s'il n'avait jamais été malade. Il lui a resté le Fatiha, alors qu'eux avaient cherché toutes sortes de remèdes, ils n'avaient rien trouvé. Au retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, comment est-ce que tu as su que c'était une ruqya? Comment est-ce que tu as su que c'était une ruqya. Wa ma yudrika annaha ruqya. Naam. Donc, ici on voit, faqad athara hadha ad-dawa fi hadha ad-da' wa azala. Que lorsque le remède est venu sur la maladie, ça l'a guéri et ça l'a fait totalement disparaître. Puis Ibn Qayyim nous explique que des fois le remède est bon et profitable, mais qu'il y a un problème dans le mahal, dans l'endroit. C'est-à-dire, t'as personne. Peut-être que le remède est bon, mais l'effet recherché ne va pas se voir, pas parce que ce n'est pas un bon remède, soit parce qu'il a mal été utilisé, soit parce que la surface sur laquelle il sera utilisé pose un problème. Non. Donc dans ce cas-là, c'est comme si la maladie n'avait jamais eu lieu. Et il nous dit, « Wa huwa ashalu da'in wa aysar » Ibn Qayyim nous dit, « Al-Fatiha al-Ruqya » c'est le remède le plus facile. C'est le remède le plus facile. وَلَوْ أَحْسَنَ الْعَبْدُ التَّدَاوِي بِالْفَاتِحَ لَرَى لَهَا تَأْثِيرًا عَجَبًا أَوْ عَجِيبًا فِي الشِّفَاء. Et Ibn al-Qayyim nous dit, et si l'homme savait comment utiliser le Fatiha pour se faire ruqya, se soigner, il y aurait vu des effets des plus étonnants. Et il nous dit que lui-même était à Mecca dans une certaine période et il tombait malade de temps à autre, il utilisait que le Fatiha. Et il y trouvait beaucoup de bénéfices. Et par la suite, il orientait les gens à cela. Pas comme ceux qui ouvrent des maisons de ruqya. Hein? La séance 50 euros, la séance 60 euros, et si c'est une ruqya de groupe, c'est un prix de groupe, et kada et kada. A'oudhu billah. Non. El Fatiha. Non, t'as pas besoin de voyager, je vais voir tel raqi. Il y en a qui voyagent à l'étranger pour voir des subhanallah raqi maintenant. Ils voyagent à l'étranger. Et beaucoup d'entre eux, c'est même pas avec yani tariqatin shar'iyya. C'est des charlatans, c'est des menteurs, des voleurs. Non, ils connaissent même pas plus le Coran que toi. Non, soit ils mentent, soit ils trichent, soit ils n'utilisent pas que le Coran. Non. Ou bien il va te donner un gris-gris, il dit il faut que tu le portes autour du cou, ou bien autour de la taille, mets ça autour de ton enfant, mets ça autour de ton épouse, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Ah, ou la shayatin, al-ins, na'am akkaloun, amwalin nasi bilbati. Al-ruqya ya akhi tahfad al-fatiha, irqi nafsak. Nos enfants mémorisent al-fatiha. Hein? Comment toi tu ne mémorises pas al-fatiha? Tu salli kulla yaw, tous les jours tu pries avec nous. اقرأ على نفسك Récite-toi toi-même, ton enfant est malade, t'as pas besoin de l'emmener à l'imam un tel ou le centre un tel de ruqya connu dans... Yahi, prends ton enfant, dis A'udhu billahi minashaytanir rajim, récite-lui le Fatiha, poussionne sur lui comme ça. Naam, récite-lui le Fatiha, poussionne sur lui et espère la guérison chez Allah subhanahu wa ta'ala et tu verras, incha'Allah ta'ala, tout le bien chez Allah. Tu verras tout le bien chez Allah Azza wa Jal. Amma, les talismans, les gris-gris, les bracelets, les bagues, tous ceux, yani dans quoi ils mettent des choses pour repousser le mal ou amener le bien. Kullu hadhi at-tama'im, na'am, min ash-shirk billahi Azza wa Jal. Wa qad harrama dhalika l'islam. Wa ma ja'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam illa lidaf'i dhalik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu si ce n'est pour enlever tout ça. Et faire en sorte que les gens ne comptent que sur Allah subhanahu wa ta'ala, pas sur un bout de cuivre, pas sur un bout de fer, pas sur un menteur, n'aam, pas sur quelqu'un qui te demande un poulet ou la madrièche pour qu'il te, selon lui, t'apporte la guérison, ou bien des enfants, ou bien l'argent, ou bien la richesse, ou bien le bonheur, ou bien, n'aam, wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc la meilleure guérison, c'est le Qur'an al-Karim. Quel que soit ton problème, le remède il est dans le Coran. Mais il faut le bon médecin. Il faut le bon médecin. Ça c'est le remède bila shak, le Coran. Le bon médecin c'est l'alim rabbani. Le bon médecin c'est qui? C'est le savant. Ibn Qayyim nous dit voilà qu'il ha huna amrun yanbaghi tafattun la wa huwa anna al adhkar wal ayat aw al ad'iyah التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثير. طيب ابن القيم رحمه الله تعالى nous dit un point très important duquel on ne doit pas être distrait, on doit faire attention à ce point, c'est que les invocations, les versets, les dua avec lesquels on cherche la guérison auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala lors de la récitation, et ceux avec quoi on fait ruqya, en soi elles sont bénéfiques. Naam, sont des causes, des vraies causes. Mais il faut que celui sur qui tu récites, lui aussi y ait le khair pour qu'il accepte cela. Naam. Par exemple, quelqu'un dit fais-moi ruqya, j'ai telle maladie. Mais il ne fait pas la prière. Mais Il vole, il fait du mal. Et il dit, subhanallah, moi je récite ayat al-kursi avant de dormir, mais je fais quand même des cauchemars. Tu ne fais pas salat, ta vie c'est un cauchemar. Non? Donc il dit, je fais la cause, mais ça ne marche pas sur moi. Non, ça marche, comme tu dis, ça marche. Mais le problème, il vient de toi, il ne vient pas du Coran. Donc ça, c'est un point très important qu'il faut comprendre. C'est que quand tu utilises le remède, il faut que l'endroit sur lequel tu l'utilises, il soit apte à l'accepter, na'am, et à recevoir, et à en sortir les fruits par la suite. Et il faut aussi que celui qui fasse la ruqya, et le médecin, il faut que lui aussi soit compétent de par la force de son iman. Voici les deux points à prendre en considération. Alhamdulillah wa ba'd. Donc, l'effet recherché ou le fait de ne pas voir l'effet, Ibn al-Qayyim nous dit que ça revient à ces deux facteurs. Le médecin traitant et l'endroit qui est traité, celui qui est traité. Si celui qui fait, par exemple, qui lit le Coran, là, la détermination, le tawakkul, le tawhid, le quwwatul iman, et que celui sur qui on lit, il a aussi les bonnes caractéristiques, alors l'effet recherché sera fort. L'effet recherché sera fort. Et s'il y a une diminution dans les deux facteurs, ben il y aura une diminution dans l'effet. Soit ça enlève totalement le mal, premièrement, soit ça diminue le mal, mais il y reste, soit ça vient en face du mal, c'est-à-dire ça remet le mal à sa place, mais ça n'arrive, ça ne le diminue pas. Ça veut dire qu'ici il y a le bien et ici il y a le mal, ça reste comme ça. Donc soit ça l'enlève totalement, soit ça le diminue, soit ça reste. Yani le bien est équivalent au mal, ou la guérison est équivalente au remède. Et tout cela revient à quoi? À ces deux facteurs cités. Le quatrième point cité ici, c'est Ad-Dua. Après avoir cité le Coran, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit Ad-Dua, wa kadhalika Ad-Dua, fa innahu min aqwa al-asbab fi daf'i al-makruh wa husuli al-matlub. Ad-Dua est une des plus grandes causes, des plus fortes, pour repousser la nuisance. Tout comme c'est une des plus grandes causes pour s'attirer les bonnes choses et les choses recherchées. Son effet peut ne pas être vu par un empêchement sur la personne qui fait du'a. Quant à Allah Azza wa Jal, il entend les du'a. Il aime être du'a. Mais il se peut qu'il y ait un empêchement. Par exemple quoi? Par exemple, il mange du haram. Celui qui se nourrit du haram, ça peut être une cause pour qu'Allah Azza wa Jal n'exauce pas son du'a. Il va dans les endroits haram, il travaille dans le haram, il s'habille avec du haram, son corps est rempli de haram, il grandit dans le haram. Et ensuite il lève ses mains vers Allah Azza wa Jal dans son état sale. Allah Azza wa Jal n'accepte pas la du'a de celui qui mange du haram. Comme c'est venu dans le hadith. Tayyib. Ou bien il a des doutes, il demande à Allah, mais il n'est pas sûr qu'Allah va lui donner. Ça c'est une cause pour qu'Allah ne lui donne pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba » Demandez à Allah en ayant la certitude qu'il va vous donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La taqul Allahumma ghafirli in shi't » Ou Allah donne-moi si tu veux. Allahumma rahamni in shi't » Ou Allah fais-moi miséricorde si tu veux. « Fa inna Allah la mukrahana » Personne ne peut forcer Allah. Mais demande, lui ya'zim, yani qu'il soit déterminé quand il demande. Tu demandes à Allah azza wa jalla. Naam, tu pries sur le prophète alayhi wa sallam, tu fais les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu fais l'istighfar, tu invoques Allah par ses noms, par ses noms, tu fais ses éloges, tu lèves tes mains, tu te mets en direction de la qibla, tu t'humilies, tu répètes. Celui qui fait ça, naam, très, yani, c'est, yani Allah azza wa jalla lui donne. Allah azza wa jalla lui donne. Il loue Allah, il fait les éloges d'Allah. Naam. Il compte que sur Allah, il a la certitude qu'Allah est riche et qu'il est généreux, il donne. Naam. Il prie sur le prophète alayhi wa sallam, il demande pardon pour ses péchés, ce qui l'empêche d'aller vite vers Allah. Il enlève tout ça, il se nettoie de tout ça. Il lève les mains, il demande à Allah azza wa jalla, il supplie Allah, il répète. Allah azza wa jalla lui donne. Mais celui qui fait du'a, son cœur il est distrait, il fait du'a, il pense à autre chose. Celui qui fait du'a, son corps il est rempli de haram, il mange dans le haram, il travaille dans le haram. Naam. Celui qui fait du'a, il n'est pas déterminé dans sa demande. Tout ça, c'est des causes pour qu'Allah ne lui donne pas. Tout ça, ce sont des causes pour qu'Allah Azza wa Jal ne lui donne pas. Aussi, al-dhulm, l'injustice, c'est une cause pour qu'on ne lui donne pas. Al-dhalim, celui qui opprime les gens. Celui qui est injuste, c'est une cause pour qu'on ne lui donne pas. Al-dhunub, les péchés. Naam. Les péchés. C'est une cause pour qu'on ne lui donne pas. Tout ce qui t'éloigne d'Allah Azza wa Jal, c'est une cause pour qu'on ne te donne pas. Wal'iyadu billah, Allah al-musta'an. Ibn Qayyim nous dit qu'il faut faire attention à un point très important. C'est le fait d'affaiblir la force du cœur avec les péchés et les autres choses. Si tu affaiblis ton cœur avec les péchés ou avec d'autres choses, bah ta dua ne va pas monter forte chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire les causes pour enlever tout cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna allaha tayyibun, la yaqbalu illa tayyib » Allah est bon, pur, il accepte que ce qui est bon, ce qui est pur. dans sadaqat et autres. Et à la fin du hadith, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشغث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Il lève ses mains, ô Seigneur, mais sa nourriture elle est haram, ce qu'il boit c'est haram, ses vêtements haram, il va et vient dans le haram. Comment est-ce qu'on va l'exaucer? Donc il faut chercher en nous les causes qui empêchent la dua de monter chez Allah Azza wa Jalla, qui empêchent la dua de monter chez Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanas'alullah tabaraka wa ta'ala ayashfi amardana dhal muslimin wa yutahhira qulubana ويثبتنا وإياكم على الحق القديم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أعلم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.